Myrto. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posilip altier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand au pied d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert. C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle hortensia s'unit au myrte vert.